Donc pareil, hein. Pour cet été, j'hésite entre me faire broyer sur l'autoroute des vacances ou choper une péritonite, overdose de choucroute aux urgences en Alsace, plongé au milieu des dauphins mutants venimeux avec un moniteur débutant et des vieux. Sexe brutal en compagnie de militaires sur le parking de la Tchunga sans capote. Barre-toi très loin pour tes congés payés avec ta famille de hamster. J'ai pas nagé, mais j'ai pas mal de temps libre. Avec mes potes, on s'est fait prêter un pied de biche. Pour cet été, je me tâte, je me taperai bien une marée noire, clope au bec, jouer au paintball à balles réelles avec un flic de Monaco ou de Nice sur une plage privée, câliner mes métastases sur le sable et puis marcher sur une seringue, un accident de trekking à la Bettencourt sur une île où ils prennent jamais d'otages. Barre-toi très loin pour tes congés payés avec ta famille de hamster. J'ai pas nagé mais j'ai pas mal de temps libre. Avec mes potes, on s'est fait prêter un pied de biche. Pour cet été, j'ai pas encore choisi. Soit j'irai visiter Tchernobyl en t-shirt, je vais peut-être aller faire la manche à Saint-Tropez, choper une meuf en Corse et finir les fruits de mer de l'an dernier. Ou alors je manierai castrer du maïs OGM au milieu des brumisateurs à pesticides. Mais bon, le mieux ça reste encore une mobylette sur la mauvaise voie, super trampon Walkman et un 38 tonnes en face. Très loin pour tes congés payés avec ta famille de hamster. J'ai pas nagé mais j'ai pas mal de temps libre. Avec mes potes, on s'est fait prêter un pied de biche et un caméscope aussi.